Donc, bonjour mes frères et sœurs, mes chers amis, et nous sommes au début de l'année 2015, et nous allons, comme il avait été annoncé, faire l'étude des trois premiers chapitres de la Genèse. Mais nous allons commencer par la prière. Notre bon Père du ciel, comme on va le voir dans les semaines qui viennent, tu es notre Créateur. Tu es le Créateur du monde dans lequel nous vivons. Tu es le Créateur de l'univers dans lequel nous existons. Seigneur, nous aimerions que tu puisses nous montrer les raisons pour lesquelles tu t'es manifesté. On aimerait comprendre mieux le paradis terrestre. On aimerait mieux comprendre la création de l'homme et de la femme. On aimerait mieux aussi comprendre la chute et la promesse que tu as faite après la chute. Que par ton esprit, tu puisses nous instruire, nous donner une pensée, une compréhension plus claire, plus adéquate. Et ainsi, nous comprendrons mieux, nous qui sommes des milliers d'années plus tard, la raison d'être de la venue du Seigneur Jésus sur la terre. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Ce matin, nous n'allons pas voir vraiment le texte. Je vais introduire le texte ou le livre de la Genèse afin qu'on comprenne bien et qu'on saisisse mieux le contexte dans lequel ces choses-là ont été faites et essayer de découvrir, Dieu voulant, la raison pour laquelle Dieu a jugé bon de nous écrire ce livre et de nous laisser afin qu'on puisse en connaître l'enseignement. Ma raison de faire la Genèse, ce n'est pas de débattre ici qui a raison, les créationnistes, les évolutionnistes, la science, les religions, c'est pas mon but. Je m'adresse principalement à ceux qui sont chrétiens, qui croient que Dieu a créé le monde, qui croient que Dieu existe. Je vois pas assez de prouver que Dieu existe avant de prouver que c'est lui qui a fait le monde. Je prends pour acquis que les croyants, que les chrétiens croient à l'existence de Dieu. Sans cela, on ne s'appellera pas chrétien vraiment. Ça n'a pas de raison d'être. On croit que Dieu a créé le monde parce que si Dieu n'est pas le créateur du monde, Jésus n'a pas sa raison d'être et on perd notre temps à pratiquer la religion, peu importe laquelle en laquelle on croit. Si nous sommes le fruit du hasard, si nous sommes le fruit d'extraterrestres, pourquoi est-ce qu'on se borderait de s'adresser à un Dieu qui ne nous a pas créé? Ça ne fera pas de sens. Mais je prends pour acquis que les chrétiens croient que Dieu existe et que c'est Dieu qui a créé le monde. On peut avoir des différentes opinions sur les communs, mais on croit tous que c'est lui qui a créé le monde. Je crois qu'il est important pour nous qui sommes croyants de bien comprendre qu'est-ce qui va se passer dans ces trois chapitres-là, parce que ça va nous influencer dans notre compréhension de la personne de Jésus et de son œuvre. Donc, ça a une implication directe dans notre vie chrétienne de tous les jours. Souvent, on oublie, on voit ça tellement loin en arrière, et on parle de Jésus, on dit qu'on aime Jésus, on dit qu'on veut servir Jésus, mais des fois, on manque de compréhension de la raison d'être de sa venue dans le monde. Donc, mon but, c'est ça. En comprenant mieux les trois premiers chapitres, on va mieux comprendre la raison d'être de la venue de Jésus et de son œuvre. Nous allons essayer de voir en même temps l'auteur, les destinataires, un peu la date et la raison pour laquelle Dieu a choisi d'écrire ce livre par les mains de Moïse. Commençons par Moïse, commençons par l'auteur. Et la plupart des théologiens sont d'accord à attribuer à Moïse les 5 premiers livres de la Bible. Si vous n'êtes pas convaincu de cela, je vais vous laisser faire vos propres devoirs et de chercher dans les livres, dans les commentaires, sur Internet, et de faire votre opinion personnelle. Qui a écrit le livre de la Genèse? Selon ma compréhension, à cause du Nouveau Testament, Jésus et les apôtres nous disent que c'est Moïse qui a écrit la Genèse et les 5 premiers livres. On dit, Moïse ne vous a-t-il pas dit? Des fois, on cite la Genèse ou d'autres livres du début de la Bible. Moïse, un Hébreu, né d'Hébreu, qui est né pendant la période de l'esclavage de ce peuple en Égypte. Et si vous connaissez un peu son histoire, on l'appelle Moïse, ce qui veut dire « sauver des eaux », parce que la fille du Pharaon l'a trouvé dans un panier qui flottait sur le fleuve, et pendant qu'elle était allée là pour se baigner, elle voit et elle sauve Moïse des eaux, et elle l'adopte comme s'il était son propre fils. Moïse est élevé par les puissants, par les intellectuels. Moïse est élevé dans l'abondance, habitué de diriger, habitué de commander, peut-être destiné à devenir pharaon un jour. Mais ce même Moïse, un jour, comprend qu'il est fils d'esclave et que son peuple est esclave. Ses frères et sœurs, ses parents sont esclaves. Et il prend pour décision de délivrer ce peuple-là de l'esclavage. Mais il le fait mal, il le fait avec ses propres moyens, avec sa force physique, avec son caractère. C'est pas mal de faire cela, mais il a oublié un peu d'interroger Dieu, le Dieu d'Israël, parce que je crois qu'en partie, il ne le connaît pas. Il n'a pas été élevé avec cela. Oui, les premières années, sa mère l'allaitait, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Bon, on peut inventer ce qu'on veut, mais on n'a pas qu'est-ce qu'elle lui a dit. C'est pas marqué dans les Écritures. Moïse essaie de le délivrer, mais il ne réussit pas à délivrer, et il fuit pour sa vie. Il va vivre dans le désert, où ce qu'il va dans les montagnes du Sinaï, dans ce coin-là, il va vivre là, il va se marier là, il va avoir des enfants là. À l'âge de 80 ans, Dieu va lui apparaître dans le buisson ardent et il va l'envoyer en Égypte pour délivrer Israël. Et on connaît, chacun de nous, les 10 plaies d'Égypte. Dieu va délivrer Israël par Moïse, en utilisant Moïse. Et finalement, le peuple d'Israël va se retrouver libre pour aller prendre possession du pays de Canaan promis à Abraham, Isaac et Jacob. Ce Moïse va conduire le peuple jusqu'à la frontière de Canaan et il va envoyer des gens pour voir le pays. On appelle ça les 12 espions. Ils reviennent. Mais il voit le pays qui est fortifié, le pays qui a des armées, le pays qui a des géants, et le peuple, par incrédulité, le peuple ne croit pas que Dieu va leur donner, par son intervention, par la force qu'il peut leur donner, donc il refuse de rentrer, et Dieu les châtie, les juge, et il retourne dans le désert. Moïse, Aaron et tout le peuple. Et Dieu les condamne à errer dans le désert pendant 40 ans. Et c'est pendant cette période que Moïse va écrire les cinq livres. Parce qu'avant, il n'a pas écrit. Et lui, il ne va jamais rentrer dans le pays de Canaan. Et il va mourir à l'âge de, me semble, c'est 100 ou 125 ans. Donc, c'est pendant cette période de 40 ans-là et qu'il va écrire les cinq livres de la Bible, les cinq premiers livres. Nous, on va s'intéresser juste au premier et juste aux trois premiers chapitres. Les destinataires de ce livre, donc, c'est le peuple d'Israël. Et aussi des gens qui sont là, qui ont suivi Israël dans leur départ de l'Égypte, qui ont fait une genre de conversion, là, pour pas mélanger les mots. Ils ont adhéré au peuple d'Israël à cause qu'ils ont vu probablement la puissance du Dieu d'Israël qui les avait délivrés. Donc, on pense qu'il y en a des centaines de milliers qui ont suivi, qui n'étaient pas des Juifs. Donc, ce peuple qui est sous un jugement de Dieu, parce que une grande partie du peuple va mourir dans le désert, jugés à cause de leur incrédulité, ils vont mourir là. Mais avant de mourir, en grande partie, ils vont recevoir ce livre de la Genèse. Et ceux qui vont entrer finalement au pays de Canaan, à la fin de la période de 40 ans, vont aussi avoir reçu ce livre et vont en avoir pris connaissance. Donc c'est à eux, un peuple qui vit dans le désert, qui vit aux dépens de Dieu avec la manne, l'eau du rocher, l'écaille que Dieu fait apparaître, mais ils savent que la moitié d'entre eux vont mourir parce qu'ils ont été incrédules, et l'autre moitié, ils savent qu'ils vont rentrer, non pas parce qu'ils sont plus fins que les autres, mais juste par la décision de Dieu, par la souveraineté de Dieu, par la grâce de Dieu, qui veut conserver un reste, qui veut conserver un peuple, qui va faire entrer au pays de Canaan pour accomplir les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Donc c'est eux, faut pas oublier ça. Et eux, pendant qu'ils sont au désert, se posent peut-être pas les questions que nous on se pose 4, 5, 6 000 ans après que le livre a été écrit. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire à son peuple à ce moment-là et au peuple de Dieu de tous les temps. Le but maintenant. Pourquoi est-ce que Dieu croit nécessaire de se présenter au peuple d'Israël par Moïse en le faisant écrire ces cinq livres-là? Ce peuple qui va recevoir le livre a vécu 400 ans ou environ 400 ans comme esclave au pays d'Égypte. Ils ont été influencés par les dieux de l'Égypte. C'est facile à comprendre qu'ils ont été influencés. Nous sommes influencés. Si on vivrait dans une autre culture pendant 400 ans, on serait influencés. On est influencés parce qu'on a vécu dans une société catholique romaine. Nos enfants vont être influencés, eux, parce qu'ils sont élevés dans une société où il y a plusieurs religions qu'ils côtoient. Les Juifs ont été influencés. La preuve? Facile à démontrer, je crois, quand ils sont dans le désert, dans les débuts, ils se font un Dieu, ils se représentent le Dieu, leur Dieu, je crois, ils se le représentent avec un veau d'or. Donc, je pense qu'il manque un peu de connaissance. Je pense qu'ils n'ont pas une idée juste de qui est Dieu. Donc, ils ont été influencés probablement par les religions égyptiennes en ce qui concerne peut-être la création du monde. Les Égyptiens avaient leurs idées sur la création du monde. Comme tous les peuples de la terre. Comme toutes les religions du monde. Donc, ils ont été influencés. C'est pas clair qui est leur Dieu. Et peut-être qu'ils connaissent, certains d'entre eux ne connaissent pas du tout. Et peut-être, la plupart d'entre eux, du moins, ne le connaissent pas bien. Quand Dieu veut envoyer Moïse vers le peuple. Et s'il me demande qui t'envoie, donc il va être obligé de leur présenter. qui qu'envoie Moïse? Il va dire, je suis, t'envoie. Donc, il est obligé de se présenter parce que le peuple ne le connaît pas beaucoup ou le connaît mal. Donc, par la Genèse, il va rectifier, il va se présenter, il va se montrer au peuple d'Israël afin qu'il comprenne bien qui il est, lui. Nous, quand on lit, on n'est pas là pour découvrir toutes sortes de petits détails par rapport à la science, mais on est là pour découvrir le Dieu que crée le monde, le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse. Il veut aussi leur faire comprendre, non pas seulement qui il est, mais qu'il est aussi leur créateur, qu'il est le Dieu de l'alliance faite avec Abraham, Isaac et Jacob, les ancêtres d'Israël. Il veut leur faire connaître les promesses qu'avaient faites Abraham, Isaac et Jacob. Il faut qu'ils comprennent ça avant de rentrer dans le pays de Canaan. Donc, il va se présenter, lui, le Créateur, lui, le Dieu de l'Alliance, lui, le Dieu de leur père, lui, le Dieu qui les a envoyés en Égypte pour les protéger, lui, le Dieu qui les a sortis de l'Égypte pour leur donner le pays de Canaan. Il va se présenter aussi comme étant le Dieu qui est juste, qui a puni à cause du péché. Puis il va leur présenter aussi la promesse, l'espoir qu'il a annoncé dans sa grâce aux ancêtres du peuple d'Israël. C'est tout ce qu'on va voir dans 3 chapitres. Mais pour comprendre ça, pour bien comprendre les 3 chapitres, il va falloir se rappeler ça de temps en temps. Dieu se présente, se dévoile à un peuple pour qu'il le connaisse bien, pour qu'il sache pourquoi il a créé le monde, et quelle est son intention avec le monde? Pourquoi ils sont là, dans le désert, et qu'ils sont jugés et condamnés par ce Dieu-là? Pourquoi? Quel droit a-t-il ce Dieu-là sur eux? Quel droit a-t-il de vie? Pourquoi a-t-il le droit de vie ou de mort sur eux? Pendant qu'ils sont au désert. Donc ça, c'est notre introduction. Je vais y revenir, je vais en parler à m'en aller pendant les 3-4 semaines qui s'en viennent. Mon but, si à la fin de ces 3 chapitres, on ne connaît pas plus notre Dieu, si on ne connaît pas mieux la raison d'être qui a créé le monde, si on ne comprend pas mieux pourquoi on a péché et pourquoi Dieu était si sévère avec le péché, si on ne comprend pas mieux la promesse faite après le péché, j'ai manqué mon but. J'ai manqué mon but. Mais par la grâce de Dieu, on va essayer de mieux comprendre. Notre bon Père du ciel, béni sois-tu, toi, notre Créateur. Conduis-nous, toi. Révèle-toi à nous par ce livre. Fais-nous comprendre mieux ta personne et ton œuvre. Au nom de Jésus, Amen.